Si j'embrouille le porcher, que le fils me refoule et que j'y retourne breliquer. Je suis qu'un produit dans mon environnement. Si j'ai pas confiance aux femmes, que j'insulte, que je gueule, que c'est des chiennes. Je suis qu'un produit dans mon environnement. Si j'aime le sable qui coûte cher, la paire de requins qui descendent d'un gros fer. Je suis qu'un produit dans mon environnement. 93, tu marches de la braise, tu nous testes, on te pèse. La boisse miaule comme la chatte que t'as baisé hier soir. Moi, je protège les miens comme la cage avant de faire ça. Dans mon F3 que du gros paplard, ma trajectoire part de Rosalma à Barack Obama. Grave ce qui me reste à prendre, gros, du grave ce qui me reste à vendre. Tu peux être la plus bonne, mon cœur est difficile à prendre. Authentique comme mes premiers raps sur Big Boss. C'est la scène Saint-Denis qui ramasse les enveloppes et qui te crosse. Donc fais pas le mec qui bosse, genre t'es un gros youvois. J'ai tellement les mains dans la drogue que ta vie ne tient qu'un rail. C'est funérailles et représailles sous les champs du corbeau. C'est tout le monde qui s'entube parce qu'il y a plus rien à crier. Si j'embrouille le porcher, que le physio me refoule et que j'y retourne breliquer. Je suis qu'un produit dans mon environnement. Si j'ai pas confiance aux femmes, que j'insulte, que je gueule, que c'est des chiennes. Je suis qu'un produit dans mon environnement. Si j'aime les sables qui coûtent cher, la paire de requins qui descendent d'un gros fer. Je suis qu'un produit dans mon environnement. 93, tu marches de la braise, tu nous testes, on te pèse. Trop de nos rêves se noient dans le rouge écarlate. Mon destin se trouve sur le toit de la tour Montparnasse. C'est Parnasse, t'es nasse qu'arrivent mes premières inspies. Confond pas la série de meurtres et le tueur en série. Rien qu'on cherche d'embêler. Oui, ça commet des télés en Kaira. Lève ta pécan en E comme un mec de courtier. C'est pas grave, on est lingé. J'fais mon cash avant mardi. Et si on travaille, ça gamberge en faisant le tour du périph. Cap, cap vers le bifton. Nique le bif de MC. J'enterre ta carrière et fuck la compétition. En mode Vene Vete Vete, en Dolce Gucci. Un go pour la haute couture et les petites coupures bitch. Si j'embrouille le porcher, que le physio me refoule et que j'y retourne breliquer. Je suis qu'un produit dans mon environnement. Si j'ai pas confiance aux femmes, que j'insulte, que je gueule, que c'est des chiennes. Je suis qu'un produit dans mon environnement. Si j'aime les sables qui coûtent cher, la paire de requins qui descendent d'un gros fer. Je suis qu'un produit dans mon environnement. 93, tu marches de la braise, tu nous testes, on te pèse. Si le rap est un bolide, je dois le piloter. Éviter le drame au virage, Ayrton Senna a cartonné. Parce qu'on veut la grande vie, on se doit de charbonner. Authentique jusqu'à la race négro, tu peux le vérifier. Pas obligé qu'un banlieusard crève, banlieusard. Ils ont tué Malcolm et Jay-Z s'achète une Maybach. On raconte pas sa vie quand on prend la vie. On apprend à vivre pour accepter la mort quand elle arrive. T'entends la mime, ma vie c'est le bolide. T'as le scooter de la jalousie. Quoi tu veux me silencer? Trop tard j'ai déjà baissé la vitre. Et fait que school devant la Goulka et la Kala. Tu cherches à serrer les seufs, t'as déjà chié dans les draps. Eh ouais, t'as déjà chié dans les draps. Ça vient du 9-3, cousin. Hein, mathématique modèle pour ceux qui savent. El General est chico.